L'Angélus du matin. Fauve, avec des tons d'écarlate, une aurore de fin d'été tempétueusement éclate à l'horizon ensanglanté. La nuit rêveuse, bleue et bonne, pâlit, scintille et fond dans l'air. Et l'ouest, dans l'ombre qui frissonne, se teint au bord de rose clair. La plaine brille au loin et fume. Un oblique rayon venu du soleil surgissant, allume le fleuve comme un sabre nu. Le bruit des choses réveillées se marie au brouillard léger que les herbes et les feuillets ont subitement dégagé. L'aspect vague du paysage s'accentue et change à foison. La silhouette d'un village paraît. Parfois, une maison illumine sa vitre et lance un grand éclair qui va chercher l'ombre du bois, plein de silence. Ça et là se dresse un clocher. Cependant, la lumière accrue frappe dans le sillon les socs. Et voici que claire, bourrue, despotique, la voix des coqs, proclamant l'heure froide et grise du pain mangé sans fin, des yeux frottés que flagelle la bise et du grincement des moyeux, fait sortir des toits la fumée, aboyer les chiens en fureur, et par la pente accoutumée, descendre le lourd laboureur. Tandis qu'un cœur de cloche dure, dans le grandissement du jour, monte, au bas de franches d'injures, à l'adresse du dieu d'amour.